solidarité anonyme. Dans les rues de Paname, un sans domicile fixe meurt transi de froid. Par les moins 15 degrés, le passant passe. Sans rappeler le 115, sans le regarder comme un pistiféré. Il a tout perdu, la solidarité anonyme. Venez le secourir, donnez une ration de bouillon et de le laisser dormir. En solidarité anonyme, faites honneur à la patrie. Malgré eux, sont dans l'ennui depuis des décennies. Solidarité anonyme, le sans domicile fixe t'en remercie. Solidarité anonyme, sans domicile fixe t'en remercie.